le ministère de la condition féminine va être mis quelque peu de côté, mes amis, parce que je vous dis, je n'en peux plus. J'ai été avec Zouzou à l'avant-première de Pédale Dure qui sort aujourd'hui. Un film sur les couples de la braguette arrière qui veulent des enfants. À la sortie, le Zouzou, il en pouvait plus. Moi, j'ai envie de donner un virage, mon vieux. Quoi encore? Me dis pas que tu veux des enfants. Moi, si, Amout, les Zouzous, ils font des petits Zouzous, jolés comme des colibris. Mais enfin, bordel de strudel, c'est pas possible, Zouzou. T'es de la sacoche, tu peux pas avoir des enfants. Bah, le Zouzou veut porter la vie dedans lui. Fais-moi un bébé, Helmut. Ça va aller, oui. Je t'ai déjà dit, Zouzou. Je suis pas un aventurier de la truffe. Moi, c'est juste pour Noël que je joue avec la guirlande et les boules. Et si le Zouzou, il adoptait? C'est ça. Je te vois bien aller au bureau des adoptions. Ah, là, tu vas cartonner, hein. J'imagine. Salut, moi, c'est Zouzou, je vais adopter un enfant. Côté boulot, ça va, je gagne ma vie au bois, entre deux arbres, la tête en balle, cul en l'air. Ma femme s'appelle Juanito et mon animal domestique préféré, c'est le morpion. Ah oui, c'est bon, ça. Merci, Almo. Je vais dire ça, je vais avoir le bébé, hein. Je vais l'emmener avec moi dans les bois. C'est bon pour les enfants respirer l'air de pur de la forêt. Après, je vais l'emmener acheter les habits, le petit pyjama fuchsia avec les paillettes comme le papa Zouzou. Ah, le Zouzou, il va avoir satisfaction dans le coração. Zouzou. Oui, oh? Jamais vont vouloir te donner un bébé au bureau des bébés. Bah, je sais, Amout, c'est juste que le Zouzou, il aurait bien aimé avoir le petit colibri pour aller en vacances avec, promener main dans la main, apporter le bonheur à lui, donner héritage, collection les strings à Zouzou. Je sais, mon Zouzou, je sais, mais on n'y peut rien. Allez, viens avec moi. On va aller boire un schnapps. Les Zouzou préfèrent un pina colada. Bon, bah, on va couper la boire en deux. Une pina colada schnapps. Ça va, mon Zouzou? Tu m'as fait du bien dans le cœur, moi, Helmut. Oui, ben calme-toi, fleur de fion, hein. Bois juste un verre. Et finalement, Christophe, on s'est saoulé la gueule avec Zouzou et après, ça allait beaucoup mieux. Pour exorciser son envie de gamin, je vais l'emmener avec moi jeter des pierres à la sortie des écoles. Ça devrait le calmer. Au revoir, Zouzou.